La roseraie par André Theuriet. Bien souvent je m'étais arrêté devant ce grand parc, hermétiquement clos, qui borde la route de l'Ay. Les hautes frondaisons d'ormes et de sycomores, qui s'élevaient comme un épais mur verdoyant au-dessus des clôtures, ne laissaient rien voir de l'arrangement intérieur. À peine si, de la route, on apercevait l'arête brune d'une toiture enfouie au milieu des feuillets, comme le château enchanté de la Belle au bois dormant. La grille elle-même, doublée de plaques de tôle, décevait la curiosité des passants. Mais le seul aspect des futaies profondes, moutonnant au loin, suggérait l'idée de vertes allées s'enfonçant sous bois, de spacieuses pelouses encloses dans le taillis, et de soudaines éclaircies d'où l'œil pouvait plonger sur une large étendue de paysages changeants. Cela doublait pour moi l'attrait d'une demeure aussi discrètement fermée, et chaque fois que je longeais les murailles, j'étais éperonné par un désir plus aigu de pénétrer le mystère de ce domaine emprisonné dans la verdure. Rien n'égale la force latente d'un désir non satisfait. On a beau chercher à se soustraire à la préoccupation dominante, on y est constamment ramené par une poussée irrésistible. En se tendant vers la réalisation de cet unique désir, la volonté finit par exercer sur les événements une sorte de magique influence et par triompher inconsciemment des obstacles qui s'élèvent entre nous et l'objet convoité. Il semble qu'on arrive presque toujours à tirer à soi les choses qu'on veut fortement. Un matin, j'appris que le propriétaire du parc mystérieux, ayant lu un de mes livres, était curieux d'en connaître l'auteur et me priait de lui rendre visite. Je ne me le fis pas dire deux fois, et par un bel après-midi de juin, je pris le chemin de l'Ay. Je me sentais d'autant plus attiré vers le parc aux profondes feuillets que je venais de parcourir les journaux et que j'étais violemment troublé par les aigres discussions politiques de ces jours derniers. Tout en montant la côte, j'achevais de lire la déclaration du nouveau ministère, et cette littérature parlementaire me laissait singulièrement rêveur. S'agissant de maintenir intact le patrimoine commun, nous avons pensé que les divisions de partis devaient s'effacer, et, plus loin, mettre fin à des agitations dirigées, sous des dehors faciles à percer, contre le régime que le suffrage universel a consacré. Je ne doute pas des bonnes intentions de nos ministres, mais ne pouvait-il les exprimer en meilleur français et en un style moins prud'homesque? Leur déclaration va être affichée sur les murs des villes et des villages. Ont-ils réfléchi à l'effet bizarre que produiront ces phrases boiteuses et ces images incohérentes sur tous ceux qui se soucient encore de l'honneur et du bon renom de la langue française? Après la lecture de ces périodes enchevêtrées et imprécises, je fus tout soulagé en sonnant à la grille, au-dessus de laquelle de grands arbres touffus répandaient une ombre rafraîchissante. Au pied de ces pacifiques futaies, du moins, les discordantes rumeurs de la politique devaient s'assoupir, et la saine odeur des prés fauchés, la discrète lumière des sous-bois me consolerait de la littérature parlementaire. Je ne fus point déçu. Dès que j'eus franchi le seuil, une allée tournante et fleurie me conduisit jusqu'à une maison plus large que haute, construite dans les premières années du siècle. Le salon très clair, décoré dans le style du Premier Empire, ouvrait ses portes-fenêtres sur des massifs de futaies et sur de larges pelouses qu'on était en train de faucher. Ainsi que je l'avais supposé, le parc, à la fois ombreux et ensoleillé, donnait une impression de quiétude et d'intimité, mais il possédait une autre attraction à laquelle je ne m'attendais guère et qui me laissa absolument émerveillé. Sur un espace découvert et baigné de soleil, s'étendait une vaste roseraie dans toute la gloire de sa floraison. Le propriétaire de cette demeure est un sage. Après avoir amassé une belle fortune dans les affaires, il a voulu utiliser joyeusement ses loisirs et s'est adonné au culte des roses. Sur le tard, il s'est mis à piocher sérieusement la botanique et à grands frais, il a établi une roseraie, maintenant en pleine production, où il a rassemblé plus de 1700 espèces provenant de toutes les parties du globe. Dans un terrain admirablement approprié à cette culture, chaque série est artistement groupée. D'abord, à fleur du sol, les espèces rampantes, puis les buissons, les rosiers à haute tige et enfin, sur les arceaux prolongés des tonnelles, toute la tribu des roses grimpantes. Il y a le coin des roses thé, celui des roses remontantes, celui des rosiers de l'Inde, du Japon et de la Chine, et aussi une longue plate-bande réservée aux rosiers aimés de nos pères et maintenant presque démodés, roses à 100 feuilles, roses moussues, roses de Damas ou de Provins. Enfin, tout un espace est consacré aux églantiers destinés aux greffes et dont les espèces indigènes ou exotiques offrent une infinité variété de formes, de feuillages et de fleurs. sous le précieux soleil de juin, c'était une fête non pareille pour les yeux que de contempler cette généreuse floraison, couvrant la terre, s'élançant à mi-hauteur, grimpant aux arcs des tonnelles, s'étalant en corymbes, en touffes, en guirlandes. Toutes les blancheurs s'épanouissaient, depuis la moelle neige des banques jusqu'à la pâleur carnée des souvenirs de la malmaison. Tous les jaunes aussi, les nuances saumonées de la gloire de Dijon, les pétales soufrés du maréchal Niel, le safran foncé des rêves d'or, l'or brillant des chromatelles. Le rose tendre et chiffonné de la France voisinait avec le rouge coquelicot de la gloire de Bourg-la-Reine, le rouge cerise des Marie-Henriette, le rose vif de la coupe d'Hébé, le pourpre foncé du lion des batailles et de l'empereur du Maroc. De toutes ces corolles, à demi entr'ouvertes ou pleinement écloses, s'exhalaient des parfums aussi divers que les formes et les tonalités de chaque variété. Odeur musquée qui sentait l'Orient, odeur mourante et alanguie, haleine suave comme celle de la vigne en fleurs, légère comme le premier souffle printanier. L'œil et l'odorat à la fois étaient grisés par cette capiteuse musique des arômes et des couleurs. Et dans la chaude lumière estivale, l'air était tout vibrant des bourdonnements d'insectes. Guêpes, abeilles, cétoines dorées, fourrageant les corolles, se roulant dans le pollen des étamines et passant incessamment d'une rose à une autre. « Ce sont nos meilleurs agents pour l'hybridation, » me dit mon hôte. « Bien mieux que nous, ils arrivent à créer des variétés inédites. » Il ne se fie pas néanmoins à l'inconsciente industrie des insectes, et il travaille de son côté à obtenir de nouveaux gains. Je remarquai plusieurs roses encapuchonnées dans une enveloppe. C'était autant d'essais d'hybridation. Il avait déposé dans chaque corolle, privée de ses organes mâles, des poussières d'étamines récoltées sur d'autres espèces, et il attendait les mystérieux résultats de cette lente et patiente opération. Comme tous les rosiéristes, il était hanté par l'ambition de créer une rose inédite. Obtenir la rose bleue, ce serait le rêve. Mais jusqu'à présent, on n'est arrivé qu'à produire certaines roses violacées, où l'azur n'entre que comme quantité infinitésimale. Développer à l'aide de croisements ingénieux cette matière colorante bleue, et parvenir à la faire prédominer dans un individu, c'est le désidératum qui préoccupe plus d'un amateur et qui paraît presque aussi difficile à réaliser que la quadrature du cercle. Mon hôte, néanmoins, persévère dans ses expériences. Il a déjà obtenu, à force de tentatives, une rose dont les pétales d'un rouge pourpre sont bordés d'un fin liseré d'un blanc pur, et il ne désespère point de faire encore plus de nobles conquêtes. Tandis qu'il m'entretenait des secrets de l'hybridation, je contemplais avec délice ce vaste jardin de roses, dont les teintes blanches ou cramoisies ressortaient mieux encore sur le vert profond des futaies. En arrière, les bois s'arrondissaient, et à travers les éclaircies des pelouses, nous voyions, par-dessus la vallée de la Bièvre, les collines bleuissantes au revers desquelles s'étageaient Verrières, Châtenay, Aulnay, Robinson et Fontenay. Tout à droite, l'aqueduc d'Arcueil découpait ses arches géantes, et à l'horizon plus sombre, le grand Paris fumeux se couvrait d'une nuée d'orage. Et je me réjouissais de ce qu'en cette fin de siècle tapageuse et stérile, en dépit des politiciens, des rhéteurs et des cuistres, il y eut encore des coins de verdure et de soleil, des retraites ignorées et pacifiques, où d'honnêtes gens demeuraient épris des beautés naturelles et se trouvaient heureux en faisant croître et fleurir des roses. Ainsi s'achève La Roseraie par André Theuriet.